Ensuite, l'auteur mentionne Kitabu Salah. Kitabu Salah. Forcément, après Tahara, on a quoi? La prière. As-Salah Lughatan Ad-Dua. كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره في سوره التوبه la salat dans la langue arabe ça veut dire quoi الدعاء l'invocation Allah عز وجل dit aux sans s'approcher ولا تصلي على احد منهم est-ce que ici ça veut dire ne prie pas sur un d'entre eux regardez dans la traduction du mushaf qu'est-ce qui est écrit est-ce que c'est écrit dans la traduction au sens approché des versets du Coran. Est-ce que c'est écrit « ne prie pas » Mais ici, là, le sens, c'est quoi ?« N'invoque pas hein, pour un d'entre eux lorsqu'il meurt et ne reste pas vers sa tombe. » On parle ici des kuffars. « وَلِهَذَا قَالَتْ زَوْجَةُ قَالَتْ زَوْجَةُ بْنِ أَبِي أَوْفَى رسول الله صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي أي أدعو لي ولزوجي également il est rapporté dans la sunna hein, que la femme de Ibn Abi Hawfa رضي الله عنهما sa femme est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم a dit صل علي وعلى زوجي صل est-ce qu'on dit prie sur moi et sur mon mari non il invoque pour moi et pour mon mari وعند الفقهاء فيا التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Ça c'est la définition de as-salah chez les ulama, chez les savants. C'est pour ça des fois, Allah, tu dis Salah, tu traduis par la prière. Mais subhanallah, la traduction, elle est diminuée. En arabe, salah, c'est pas seulement la prière. Hein, la prière, Denis, tu peux penser à plein de choses. As-salah, c'est une adoration pour Allah. Faite de paroles et de gestes spécifiques. Qui commence avec le takbir et qui termine avec le taslim. Ça, c'est le mot salat dans le jargon religieux, ça veut dire ça. Donc, tu vois, quand tu dis prière, c'est vraiment c'est une définition vraiment rapprochée, hein. Waya ar-rukn athani min arkan al-islam, kama la yakhfa alaykum. C'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, comme tout le monde le sait. Mada tourid. En arabe ou en français? C'est une adoration pour Allah, faite de paroles et de gestes particuliers ou spécifiques, qui commence par At-Takbir et qui finit par At-Taslim. Wadih? Tayyib. Wa qad jaa hadith ibn Umar radiyallahu anhuma fi sahihayn buniya al-islam ala khams. وكذلك حديث جبريل أخبرني عن الإسلام et les preuves hein, concernant la prière sont innombrables hein, dans le hadith d'Ibn Omar l'islam a été construit sur 5 hein, le fait d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager et le serviteur d'Allah accomplir la prière etc le hadith de Jibril que vous connaissez tous lorsque Jibril est venu dans la mosquée et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-moi à propos de l'islam il a mentionné 5 piliers de l'islam etc et quand est-ce que la prière a été rendue obligatoire l'an 3 de l'Hégire qui dit quoi 3 ou 2 ah. 1 personne Allahu a'lam très bien Allahu a'lam. Hein? Quand est-ce que la prière a été rendue obligatoire? Al-Isra wa al-Mi'raj. Al-Isra wa al-Mi'raj. Naam. La prière a été rendue obligatoire lors de l'Isra wa al-Mi'raj. Ani, le voyage nocturne et l'ascension qui a eu lieu avant la Hijra. Hein? avant la hijra. Avant la hijra. Hein, vous connaissez tous le récit. Lorsque Jibril alayhi salam est venu de nuit et a pris le prophète et l'a mis sur qui? Sur quoi? Al-Buraq. Hein, cet animal qui est entre la mule et l'âne. Hein, un de ses pas, c'est comme la vision, la vision de l'être humain jusqu'à l'horizon. Hein, il est parti la nuit à Al-Aqsa, à Masjid Al-Aqsa, et il a prié. Hein, il a guidé devant tous les prophètes. Ensuite, Jibril alayhi salam l'a monté aux cieux et il a traversé chaque ciel. Et à chaque fois, il rencontrait un prophète, hein, jusqu'à qu'il arrive au septième cieux. Et il a vu qui? Ibrahim alayhi salam adossé sur quelle maison? Baytul Ma'mour, hein, la maison où 70 000 anges chaque jour prient et ne reviennent jamais. Ensuite, il a atteint Sidratul Muntaha, hein, cet arbre, l'arbre de la limite. Hein, ses feuilles sont plus grandes que les oreilles des éléphants, ses fruits sont plus grands que des jarres, hein, là où met l'eau, etc. Et Jibril a dit, je ne peux pas te suivre. Et le prophète est parti à rencontrer son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Mais il ne l'a pas vu avec ses yeux. Mais il l'a vu avec son cœur. Et Allah lui a légiféré 50 prières par jour. Ensuite, il est redescendu jusqu'à qu'il arrive au sixième ciel. Il a vu qui? Moussa alayhi salam, qui a dit, qu'est-ce que t'as ordonné, Seigneur? 50 prières par jour. Retourne et demande-lui de diminuer. Ta communauté ne pourra pas supporter. J'en ai fait l'expérience. Alors le prophète est retourné. Allah azza wa jalla a diminué. Hein, et puis encore, ça s'est répété une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à qu'Allah dit 5 prières qui ont la récompense de 50. Et Moussa alayhi salam, il a dit quoi à ce moment-là? Retourne. Ta communauté ne pourra pas supporter. Alors le prophète a dit, j'ai trop honte de retourner et demander à mon Seigneur. Hein? Le hadith, il est connu, hein? On n'a pas besoin de le développer ici. Mais c'est à ce moment-là que la prière est devenue obligatoire. Est-ce que ça veut dire que le prophète ne priait pas avant? Si. Si quoi? Ah ouais, justement. À la fin les questions. C'est moi qui pose les questions en ce moment. À la fin, c'est vous qui posez les questions. Est-ce que le prophète Hassan priait avant l'Isra ou le Mi'raj? Non. Le prophète priait avant l'Isra ou le Mi'raj. Mais la prière est devenue obligatoire 5 fois par jour pour les musulmans à partir de l'Isra ou le Mi'raj. Mais avant, il priait. Hein? Et les hadiths sont nombreux sur le prophète Hassan qui priait à la Kaaba. فمن أنكر عن هذه الصلاة فقد كفر وخرج من الإسلام هذا من جهدها. Celui qui rejette et renie la prière, il a mécru et il est sorti de l'islam. Ani, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Quelqu'un dit non, en islam la prière c'est pas obligatoire. Lui il est quoi? Kafir. Dans l'islam c'est dans le cœur. Hein, je suis musulman dans mon cœur, je prie pas, c'est pas obligatoire pour moi. Lui, il est kafir. Bi ittifaq al ulama, selon le consensus des savants. Wa amma man tarakaha kaslan fakhtalafa al ulama ala qawlayn bi ikhtisar. Celui qui délaisse la prière mais par fainéantise ou par paresse, hein, ou par... Il sait que c'est obligatoire, mais lui, c'est trop difficile pour lui, selon lui. Alors là, les savants ont divergé en deux avis, hein, si on résume vraiment sans rentrer dans les détails. Al-Jumhur, qalu annahu la yakfur. Wa Ahmed fi riwaya wa al-madhhab annahu yakfur. La majorité des savants disent que celui-ci ne sort pas de l'islam. Il n'est pas mécru. Malgré le fait qu'il a fait un des plus graves péchés. Et l'imam Ahmed, dans une de ses versions, et c'est la version qui est retenue dans son madhhab, dans son école de juridique, dans son école de fiqh, hein, dit qu'il a mécru. Pour être honnête, c'est un sujet où il y a une divergence depuis les premières générations des musulmans, d'accord, jusqu'à notre époque. On ne va pas trouver la solution aujourd'hui en disant, un de nous va trouver la solution, quel est l'avis qui est sûr. Est-ce qu'il est musulman ou est-ce qu'il est mécréant? Le seul truc qu'on peut faire, ou la seule chose, pardon, qu'on peut faire, c'est mentionner la vie de chacun et mentionner leurs preuves. Ensuite, chacun se fait son propre avis. D'accord? Et généralement, hein, les savants mentionnent, hein, lorsqu'on t'interroge sur le sujet, hein, adapte-toi, yani, à la personne qui est devant toi. Hein, dans la mesure où quoi? Dans la mesure où c'est un sujet, il y a une divergence. C'est un sujet où il y a une divergence. Et la divergence est vraiment forte. Les preuves de chaque avis sont très fortes. Il est difficile, hein, de trouver l'avis le plus sûr. Mais la personne, en étudiant le sujet, peut se faire son propre avis. Moi, je vois que c'est ça le plus sûr. Hein? Et lui, mon frère, il voit que c'est l'inverse. Je vous rappelle qu'Ibn Qayyim, il a écrit un livre, hein, As-Salah. Dedans, il mentionne un chapitre, hein, les preuves de ceux qui disent que la prière, que ceux qui délaissent la prière est mécréant. Ensuite, il a fait un chapitre, les preuves de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Ensuite, il fait un chapitre, réfutation aux preuves de ceux qui disent qu'il est mécréant. Et ensuite, il fait un autre chapitre, réfutation aux preuves de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant. Hein, pour montrer le sujet, il est. Hein. Donc, toi, regarde par rapport à la personne qui vient en face de toi. Si tu vois que c'est une personne qui est nouvelle en islam, sa foi est faible. Hein, sa foi est faible. Il cherche des réponses. Et peut-être si tu lui dis, tu ne fais pas la prière, tu es mécréant, tu sors de l'islam, tu vas au feu de l'enfer éternellement. Tu lui dis, peut-être tu vas le faire fuir de l'islam. À ce moment-là, mentionne-lui la vie que non, t'es pas, tu restes musulman, mais tu fais un grand péché. Il faut faire attention, la prière c'est important. Hein, repends-toi, etc. Tu l'appelles à la prière. Par contre, si c'est une personne qui est musulman depuis des années, hein, mais qui est laxiste, hein, et qui a besoin qu'on le secoue, tu dis, attention, celui qui ne fait pas la prière, il est kafir, il est mécréant. Le prophète Sosem a dit ça, Allah Azzajal dit ça, etc. Hein? Pour lui faire peur, pour qu'il prenne conscience, pour le réveiller. Hein? Donc tout dépend à qui tu t'adresses. D'accord? Oui, ça, c'est certains savants qui mentionnent afin de, hein, de voir la maslaha, hein, l'intérêt dans la da'wah, dans la prédication. Al-Muhim, on ne va pas rentrer en détail dans le sujet. Ce n'est pas le but à ce moment-là. Sachez juste que certains savants ont mentionné que celui qui délaisse la prière volontairement par fainéantise ou par paresse, il est mécréant. Hein, et d'autres ont dit non, il reste musulman, mais par contre, attention. Ce n'est pas il reste musulman, il est, alhamdoulilah, il se la coule douce, comme on dit. Non. Hein, il est sous une menace très sévère sur un châtiment terrible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit être conseillé. Hein? Même Abu Hanifa, il dit qu'on doit l'emprisonner. On l'emprisonne et on lui demande de prier. Et on ne sort pas de prison jusqu'à qu'il prie. Hein? Parce que lui, il ne voit pas qu'il est mécréant. Même les savants, parmi les savants du Jumhur, comme les hein, dans le Mazhab Maliki et Shafi'i, ils disent qu'on le tue. Mais on ne le tue pas par mécréance, mais par une sentence. C'est sa sentence. Il reste musulman, mais on le tue parce qu'il a délaissé la prière. Mais il reste musulman. Hein? Alors qu'Ahmed dit on le tue parce que, ça y est, il est plus musulman, il est mécréant. Hein? Regardez le sujet. Ce n'est pas un sujet simple. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Hein? Bon, on va pas commencer, hein, de toute façon c'est l'heure de Adhan, je pense. On commencera, Inch'Allah, le premier sous-chapitre de la prière la semaine prochaine, Inch'Allah. Fa jazakum Allah khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah khairan wa barakatuh.